Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gemozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui se passe donc à Prague. Elle est écrite par Marie Laurin. En ce moment, elle est enseignante en français à Stockholm. Elle a reçu le prix de la Plume de Verre en 2019. Et puis, elle a écrit un petit mot sur ce petit bouquin-là que j'ai sous les yeux, qu'elle a publié elle-même, qui s'appelle donc « La ruelle d'or de Prague ». Tel un bijou lové au cœur de la capitale slave, la venelle intrigue, charme, ensorcelle. Elle a survécu aux incendies, à la misère, à la guerre et aux marchands de faux souvenirs. Celui qui prête l'oreille au murmure des pierres, elle susurre de secrets échos du passé, légendes magiques aux sources ancestrales, contes merveilleux aux héros téméraires. Celui qui laisse son âme glisser sur ses pavés mouillés, elle confie ses bribes de mémoire occulte. Mais un seul être connaît tous les mystères, invisiblement gravés par le stylet du temps sur les murs irréguliers des maisonnettes colorées. Un seul être a vécu les grandes heures de l'histoire de Prague, dont il dévoile ici les énigmes au travers de ses 7 villes. 7 récits fantastiques où s'entremêlent les destins illustres et anonymes depuis le Moyen-Âge jusqu'à la restauration moderne de la rue d'Or. C'est cette histoire, c'est un chat qui vous raconte cette histoire de ces 7 villes. Je commence. Vengeance et illusion. La deuxième histoire que je vais vous relater débute un soir de Noël, alors que le vent charriait les délicieuses effluves de vin chaud et de cannelle et que les chansons traditionnelles semaient leurs joyeuses mélodies sur les places et les parvis des églises. Marek sourit en croisant le cœur d'enfant qui arpentait les rues de Malastrana. Lui aussi avait chanté ses chorales de Noël, quand, encore gamin, il s'émerveillait de toutes ces bougies qui transformaient les rues de Prague en décors magiques. Ville cathédrale ornée de 1000 cierges offerts au ciel ouvert. Les choses avaient bien changé désormais, et ses pas ne le conduisaient plus vers des gourmandises espérées, mais vers sa chambre solitaire et misérable qu'il habitait depuis peu. En montant la côte qui menait au château, le jeune homme songeait à toutes les prédictions alarmantes des divers mages et astrologues de la cour de l'empereur Rodolphe II. Le fatidique changement de siècle était pour bientôt, mais Marek ne croyait pas aux catastrophes extravagantes qu'annonçaient certains. Lorsqu'il arriva dans l'étroite ruelle où logeaient les domestiques du château, les rires étouffés et des cris de détresse inhumains troublèrent ses pensées. Marek se hâta, pris d'une angoisse prémonition. Les sons provenaient bien de la maisonnette où il vivait. 3 silhouettes s'évanouirent rapidement dans la pénombre, ne laissant dans l'air que des ricanements fielleux. Le jeune homme reconnut la voix d'un de ses camarades, arché comme lui. Un peu plus âgé que Marek, Karel ne cessait de le harceler depuis son arrivée dans la garnison. Lui et ses acolytes avaient affublé le nouveau venu du sobriquet Servenikou, le petit roux, en référence à la couleur des cheveux de Marek. Ce dernier, de nature peu querelleuse, évitait autant que possible la confrontation avec ces individus mal intentionnés et tâchait d'ignorer leur sarcasme. Mais il sentait que ce soir, l'ivresse leur avait fait dépasser le stade des petites vexations devenues coutumières. Ses craintes se confirmèrent lorsqu'il me découvrit sur le seuil de sa porte. Moi, pauvre boule de poils, gisant dans mon sang, prêt à agoniser seul sur le sol boueux de ma ruelle. d'ignobles individus m'avaient torturé. Humains aux jeux pervers, grisés par leur puissance illusoire. Ils m'auraient sans doute achevé si Marek n'était pas arrivé. Le jeune homme s'approcha lentement de moi, des larmes dans les yeux. Il capta le faible sifflement de ma respiration avec soulagement et me prit délicatement dans ses bras. Cette fois-ci, Karel et ses sbires étaient allés trop loin. Marek serra les poings en jurant de me venger. Malheureusement, les mois suivants, une partie des archers, dont Karel et ses amis, furent envoyés en entraînement au château de Karlstein, à plusieurs lieues de Prague. Marek dut donc différer sa vengeance. Il se consola en me soignant attentivement. Peu à peu, mes forces revinrent, la douleur quitta mon corps et mes pattes retrouvèrent leur mobilité. Toutes, sauf une, que les vauriens avaient brisée. J'appris donc à marcher sur trois pattes, résigné à clopiner pour le reste de mon existence. Inutile de préciser que ma rancœur n'avait d'égal que celle de mon sauveur. D'ailleurs, Marek et moi ne nous quittions plus désormais. J'aimais la présence discrète de mon compagnon solitaire. Il m'avait surnommé Kokka, petit chat, et me racontait parfois sa vie et ses secrets. La mort de son père, 2 ans auparavant, qui avait forcé Marek à abandonner ses études et ses rêves pour s'engager au service de l'empereur Rodolphe. La misère de sa mère, à laquelle il donnait quasiment toute sa solde. Au fil des jours, je m'attachais à ce jeune homme timide et généreux, que la vie n'avait pas épargné jusque-là. Lorsque je fus complètement rétabli, je décidai de lui prouver ma gratitude et d'améliorer son existence. Un soir d'avril, alors que Marek revenait de dîner avec sa mère, je me mis subitement à miauler afin d'attirer l'attention de mon compagnon. Nous étions presque arrivés à la ruelle, mais je changeai soudain de direction, incitant Marek à me suivre. Le jeune homme, intrigué, décida de m'emboîter le pas jusqu'au pied de la tour blanche qui dominait la ruelle. Je la contournai et m'enfilai dans une fissure assez étroite causée par un éboulement récent après les pluies abondantes de mars. Marek réussit lui aussi à se glisser dans le passage exigu et se retrouva dans la pénombre d'un couloir souterrain. Ses yeux eurent besoin de plus de temps que les miens pour s'habituer à l'obscurité de l'endroit. Heureusement, après avoir descendu quelques marches, nous atteignîmes une première pièce éclairée par des soupiraux. J'attendais impatiemment de voir la réaction de Marek face à mon cadeau. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. La salle, de taille moyenne et surmontée d'une voûte, était remplie d'automates. Il y avait là des merveilles de technologie comme Marek n'en avait jamais vu. Des oiseaux à mécanisme hydraulique, un globe mécanique céleste, des automates androïdes, musiciens, acrobates, danseurs et même un couple enlacé. Je laissai à mon ami le temps d'admirer ses trésors. Puis, je le guidai vers une seconde pièce où il put contempler une magnifique maquette du château, avec des détails d'une précision exquise. Puis, nous entrâmes dans une salle où se trouvait un échiquier à taille humaine. Pions, cheval, fous, autour, tous réalisés à échelle réelle, sculptés par des mains expertes et ornés de pierres précieuses. L'éblouissement de Marek me faisait plaisir. J'avais découvert ces lieux par hasard et je voulais en faire profiter le jeune homme. Personne ne connaissait cet endroit et ses merveilles. Il aurait le seul privilège de partager mon secret et d'en prélever quelques richesses s'il le souhaitait. Du moins, c'est ce que je croyais. En effet, arrivé au seuil de la pièce suivante, je m'immobilisai soudain et me dissimulai contre un battant de la porte. Marek fit instinctivement de même en entendant des pas qui approchaient. Nous n'avions pas intérêt à être surpris dans cet endroit qui recelait sans aucun doute des secrets royaux. Le souverain était en effet réputé pour ses excentricités. On disait même que, les soirs de pleine lune, il conversait avec deux fantômes. Un spectre violoniste et sa jeune épouse au long voile évanescent. Sur ses gardes, Marek retint donc son souffle, se tassant encore davantage contre le mur. Heureusement, le bruit des pas cessa et des voix se firent entendre. « Vous êtes sûr que cela passera inaperçu ?» La voix rauque, à l'accent martelé, nous fit frissonner. « Ne vous en faites pas, je m'arrangerai pour que tout se passe en douceur. » Le ton plus aigu, mais d'autant plus fourbe, n'était pas plus engageant. « L'empoisonnement sera mortel, c'est certain ?»« Oui, bien dosé. Le chlorure de mercure lui ôtera progressivement la raison et le tuera petit à petit. »« Bon, c'est entendu alors. Revenez demain à la même heure et vous aurez votre récompense. Pour notre arrangement, prenez votre temps, mais agissez discrètement. L'empereur ne doit pas avoir de soupçons. Après tout, c'est son astronome préféré et il est très en faveur en ce moment. » Le silence qui suivit le dialogue sembla se répercuter sur les voûtes et remplir de l'écho d'un murmure maléfique. Mon pelage hérissé rencontra le mollet tremblant de Marek. Nous nous hâtâmes de quitter le souterrain maudit. Pas de doute. Nous venions de surprendre une terrible machination qu'il nous fallait tenter de déjouer. Nos pas nous portèrent spontanément vers les jardins royaux et la rue Novisvet. Là vivaient et travaillaient les alchimistes, mathématiciens et scientifiques de la cour impériale. Là résidait la cible des assassins confondus. « Alors, mon jeune ami, il paraît que vous désirez m'entretenir. J'espère que c'est important, car je suis en pleine rédaction d'un ouvrage d'astronomie. » Planté entre le col à fraise et le chapeau orné d'une plume blanche, un regard perçant, adouci par une bienveillance naturelle, fixait Marek. Intimidé par ce personnage au nez étrange et à la longue moustache, le garçon se dit qu'il devait être convaincant. « Je suis désolé de vous interrompre, mais il s'agit d'une affaire très importante. » Le jeune archer rapporta alors mot pour mot le dialogue que nous avions surpris. Le scientifique ne l'interrompit pas. Son visage ne trahit aucune émotion. Au contraire, au fur et à mesure du récit, ses yeux s'allumaient d'une curiosité presque amusée. Marek crut même un moment que l'astronome ne le croyait pas. « Mon petit, je te remercie de tes confidences. Vois-tu, ce n'est pas la première fois qu'on cherche à me faire disparaître. Je crois même deviner l'identité de ces deux conspirateurs. » L'astronome esquissa un sourire en effleurant négligemment du doigt un compas de proportion posé sur un tas de parchemins noircis de signes et de figures géométriques complexes. « Tu dis qu'il a parlé de Mercure ?» Marek acquiesça de la tête, surpris par le détachement de son interlocuteur. Subtil. Je suppose qu'il va modifier les doses que j'utilise pour mes recherches. Habile méthode qui pourrait effectivement m'empoisonner à petit feu sans que personne ne s'en étonne. » Marek ne comprenait pas tout ce que disait son compagnon. Il hasarda pourtant une question. « Vous connaissez les hommes qui veulent vous tuer ?»« Mon ami, je connais bien l'homme à l'accent du Nord. Celui-là souhaite ma mort depuis longtemps. Je croyais l'avoir semé en venant à Prague, mais il m'a retrouvé, le bougre. Après tout, puisque tu m'as sans doute sauvé la vie, je vais te raconter mon histoire. » En quelques phrases, l'astronome narra à Marek comment il était autrefois tombé amoureux d'une femme de très haut rang, amour réciproque, mais bientôt divulgué par des domestiques malveillants. Forcé de quitter son pays et sa muse afin d'étouffer l'affaire, il avait visité de nombreuses cours d'Europe avant de s'installer à Prague. Mais le fils de sa maîtresse d'antan ne lui avait jamais pardonné le déshonneur de sa mère et le poursuivait de sa haine, allant jusqu'à se battre en duel ou, comme venait de le constater l'astronome, jusqu'à commanditer son empoisonnement. « Je pourrais m'enfuir à nouveau, mais je suis lasse de ce jeu. Non, cette fois-ci, il faut que cette traque cesse. » Et je crois entrevoir un plan pour lequel je vais avoir besoin de ton aide. Car je ne peux me fier à personne à la cour. Il va falloir jouer serré. » L'homme de science se frottait les mains. Son air malicieux de gamin prêt à faire une farce contrastait avec sa carrure imposante et son habit de mage omniscient. Marek, à la fois flatté et anxieux, de se voir mêlé à cette affaire, accepta toutefois de rendre service à l'astronome. C'est ainsi que les semaines suivantes, entre deux tours de garde, mon jeune ami se vit chargé de se procurer divers produits. Cire, algues, plomb, argent. Il ne devait parler de ces étranges livraisons à personne et n'osait pas demander d'explications aux savants. Seul témoin des suspectes allées et venues de Marek, je l'accompagnais toujours chez le scientifique, qui se prit également d'affection pour moi. « Les chats, mon ami, sont plus intelligents que la plupart des êtres humains, et ils possèdent d'inestimables avantages de voir la nuit au-delà des apparences », affirmait l'astronome en me caressant entre les oreilles. Certains soirs, Marek et lui n'échangeaient pas un mot. D'autres jours, le savant interrogeait son apprenti au sujet de sa vie, de sa famille et de ses ambitions. Le scientifique s'émut au récit de la mort du père de Marek, puis s'indigna de la lâcheté et de la cruauté gratuite de ce vaurien de Karel qui m'avait lâchement torturé. Marek, à force de côtoyer et d'observer le scientifique, sentait grandir en lui un besoin d'apprendre et de découvrir. Les potions, les lunettes astronomiques, les alambics, les parchemins griffonnés de chiffres et de notes obscures, tout cela le fascinait et lui donnait envie de s'initier aux secrets de la science. L'astronome lui promettait de lui enseigner une partie de son savoir s'il survivait au complot tramé contre lui. Au fil des jours, rien de suspect n'eut lieu autour du savant qui continuait ses recherches comme si de rien n'était et semblait baisser la garde. À la fin de l'été, il déclara que ses ennemis n'arriveraient jamais à l'éliminer. Cependant, les mois passaient et Marek se faisait du souci pour son ami, qu'il trouvait de plus en plus fatigué et pâle. Il essayait de lui faire changer d'avis, de l'inciter à fuir Prague, mais l'astronome se bornait à répéter. « Ne t'inquiète pas, petit, mon heure n'est pas encore venue. » Mais le ton espiègle ne parvenait pas vraiment à rassurer Marek. Parfois, lorsque le jeune garçon arrivait le soir, il trouvait le scientifique dans d'étranges postures. Il le surprit ainsi la tête enduite d'une curieuse pâte verdâtre, ou, une autre fois, plantant des sortes de dents dans un morceau de cire. De toute évidence, la folie s'emparait peu à peu de l'esprit du vieil homme et ses assassins allaient bientôt arriver à leur fin. Les craintes de Marek se confirmèrent un matin. « Petit, garde ceci en lieu sûr et ne le dis qu'au cas où il m'arriverait malheur. » Le savant, sans doute conscient de son état de santé déclinant, lui tendit un parchemin scellé. « Et maintenant, laisse-moi seul, je te prie. » L'archer quitta la demeure du mage à regret, ruminant de sombres pressentiments. Quand Marek revint de sa garde du soir, il le trouva étendu sur son lit, froid et blafard. Le jeune homme s'approcha du corps d'un pas anxieux et déjà navré. Le teint cireux et l'absence de pouls ne laissaient aucun doute. L'astronome avait succombé à l'empoisonnement comploté. Marek courba la tête. Le destin continuait donc à distiller son injustice dans sa vie. Je devinai la détresse de mon ami et vins me frotter doucement contre ses jambes. Je le laissai quelques minutes à sa tristesse et à sa révolte, puis je sortis de la maison endeuillée et me dirigeai vers la cachette du parchemin. Marek me suivit et se remémora alors les vœux du mage disparu. Il décacheta le manuscrit d'une main tremblante et lut le message posthume à travers le voile de ses larmes qu'il peinait à refouler. Mon jeune ami, si tu lis ces lignes, c'est que mes ennemis seront parvenus à leur fin. J'aurai alors sans doute rejoint d'autres contrées où je découvrirai certainement d'autres vérités. Il ne faut rien regretter, Marek, la vie n'est qu'illusion. Quant à mes assassins, je crois profondément qu'aucune injustice ne doit rester impunie. Mais il ne sera pas dit que je ne te remercierai pas de ton aide et de ton amitié. À côté de ce parchemin, tu trouveras une lettre que te recommande un vieil ami, un savant comme moi. Quitte ta vie d'homme d'armes, où tu ne côtoies que des gredins, et va trouver cet homme. Il réside à Seski, Krumlov, et travaille au château des seigneurs de Rosenberg. Il t'enseignera ce que tu désires apprendre et tu pourras poursuivre mon œuvre, l'œuvre universelle des hommes à la recherche du savoir. Je te laisse également une petite bourse qui permettra à ta famille de vivre décemment et qui t'offrira la liberté. Marek n'hésita pas un instant. Il passa prendre les quelques affaires qu'il possédait dans sa chambrette. Pour une fois, il ne croisa pas Karel et n'eut pas à subir ses mesquines moqueries. Il était rare que le vaurien et ses amis ne rôdent pas aux alentours du troquet de la ruelle. Et ce soir-là, Marek fut étonnamment tranquille. Il se rendit ensuite chez sa mère afin de lui faire ses adieux, de lui donner une partie des pièces d'or contenues dans la bourse. Le lendemain, le jeune homme prit donc la route de Český Krumlov, petite ville au sud de Prague. Inutile de dire que je lui emboîtais le pas, impatient de le suivre dans ses nouvelles aventures. Mon ami marchait pourtant sans entrain. S'il se réjouissait de sa liberté subite, il ne parvenait pas à effacer le souvenir de son maître défunt. Tout en marchant sur les petits chemins de Bohême, Marek se jurait de continuer le travail de son ami disparu et de devenir un grand savant. Il arriva en vue de Český Krumlov un dimanche matin d'octobre et le panorama qu'il découvrit au sommet de la colline surplombant la ville réussit enfin à détourner mon compagnon de sa mélancolie. Entouré par un bras de la rivière Vltava, au milieu d'arbres au feuillage multicolore et comme drapé dans une étoffe de brume mordorée, la petite cité se levait, dominée par un superbe château entouré de jardins. En arrivant aux portes de l'impressionnante bâtisse, Marek fut soudain pris de doute. Et si le savant n'était pas là? S'il refusait d'éduquer un élève si inexpérimenté? Le jeune homme s'efforça de chasser ses pensées négatives et se mit à enquête de son futur professeur. À son grand soulagement, on lui indiqua une haute tour, récemment rénovée et décorée de peinture. Marek en monta précipitamment les marches, si vite que j'eus du mal à le suivre sur mes trois pattes valides. Après une longue escalade de marches en colimaçon, nous atteignîmes enfin une galerie d'arcades d'où l'on pouvait voir toute la ville. Là se trouvait un vieil homme aux cheveux blancs qui semblait nous attendre depuis l'éternité. « Ah, mes amis, vous voilà enfin !»« Cette voix, étions-nous en train de rêver ?» Tu ne me reconnais pas? Il faut dire que j'ai bien vieilli. Le vieux savant s'approcha de Marek d'un pas bien alerte pour son âge avancé. Il émit un rire mutin que nous identifiâmes immédiatement. Mais comment était-ce possible? Rappelle-toi, Marek, la vie n'est qu'illusion. Et sous nos yeux éberlués, le vieillard s'arracha la peau du visage pour dévoiler sa véritable identité. « Oh, mais vous n'êtes pas mort. Je vous ai pourtant vu. J'ai touché votre corps froid et sans vie. Seriez-vous un fantôme? Revenez-vous de l'au-delà? Avez-vous découvert l'élixir de vie ?» Marek n'avait jamais posé autant de questions d'un seul trait. Son ami lui répondit amusé. « La science peut des miracles, mais je n'ai pas encore percé le secret de la vie éternelle, hélas. Non, celui que tu as vu coucher sur mon lit ne m'était semblable que grâce à un masque de cire confectionné par mes soins, pareil à celui que je porte aujourd'hui. Je suis désolée de t'avoir caché la vérité, mais cela était nécessaire à ma sécurité. » Marek comprit alors la ruse du savant et put enfin se réjouir de la situation. Il avait retrouvé son ami et il allait désormais pouvoir vivre en suivant son enseignement. L'astronome remit son masque, prit son jeune élève par le bras et l'invita à descendre de la tour afin de rencontrer le seigneur de Rosenberg. Le mécène bienveillant qui avait accueilli le scientifique sous son nouveau visage. Pourtant, avant de redescendre, Marek s'arrêta en regardant son ami. « Mais alors, si vous n'étiez pas sur votre lit de mort, qui était-ce ?» Le savant tourna alors son regard malicieux vers moi en disant « Aucune injustice ne doit rester impunie. As-tu croisé Karel récemment ?» Voilà, voilà les histoires de masques de cire chez les scientifiques. Eh bien, je vais vous laisser avec une belle musique, une belle voix. Largo Doloroso, avec, je ne sais pas si je, prononce bien, Peter Stepanek. Allez, passez une bonne semaine. À tout bientôt sur Radio Gemozo. Procházíme každý den se svým údolím, provinění z našich hříchů lehce přebolí. Tak hraj, hraj, hraj mi ďáble tu temnou píseň o vinách a příčinách, co předcházejí pád. Hraj mi ďábla tu zlá.